voudrais bien qu'on imprime ma tête sur des t-shirts pour balader ma prime les soirées où l'on flirte sur la Côte d'Azur ou bien Porte d'Auteuil. Vos jolis tétons durs me cligneraient de l'œil. Et puis dis-moi, ça changerait quoi? Même en 200 000 exemplaires, suis-je vraiment sûr de me plaire? Allez, allez, ma petite dame, on est seul et c'est peut-être un drame. J'aimerais tout plein d'honneur, des rubans qu'on accroche et 7 ans de bonheur comme président fantoche. Péter dans de la soie de ma chaise à fauteuil et qu'on devine parfois l'adresse de mon coiffeur. Et puis dis-moi, ça changerait quoi? Quand je me rase, c'est moi qui me coupe. Quand je me suicide, c'est moi qui me loupe. Allez, allez, mon bon monsieur, on est seul et c'est peut-être mieux. J'aimerais à la demande tricoter des hamacs, faire la contrebande de Tampax en Irak, mâcher des boules de gomme pour faire rire les tout petits, me recycler comme beurre de spaghetti. Et puis dis-moi, ça changerait quoi? Même en chantant des chansons drôles, on est parfois mal dans sa piole. Allez, allez, petite sœur, grand frère, on est seul et on croit le contraire. J'aimerais mourir tranquille en partageant ma bière, un suicide en famille ferait tout à fait l'affaire. La mort, c'est trop sérieux pour qu'on la fasse tout seul. J'aimerais de la place pour deux, au moins dans mon cercueil. Et puis dis-moi, ça changerait quoi? Le jour où vient la fin du monde, y'a personne sur ta longueur d'onde. Allez, allez, nana ou mec, on est seul et il faut faire avec.